Aïe, le retour de la rue, de la rue. Tous félicite, dédicace à Sissi Prod. Et c'est la nocturne avec L.I.M. Violence Urbaine 4 est dans les bacs depuis lundi. Merci depuis lundi, voilà. Avec ce gros freestyle pour finir à l'instant. Bah voilà, c'est cool hein. Bon, aujourd'hui on est calme comme ça, il y a pas trop de live, pas trop de spell. Bah c'était bien, on va saluer tous ceux qui sont passés, il y a Abdelalien. Il y a Abdelalien. Capitaine Kouassi, JP Dutiex, faut pas oublier de le retweeter hein. Tu peux dire à toute la France qu'il vous retweet s'il te plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, la France entière retweetez JP Dutiex, allez même le follow si vous ne le followez pas encore. Merci. Voilà, il y avait Mohal Vagabond qui était là avec nous, il y a son actu sur YouTube pour regarder. Il y a A2S, un petit jeune de Nanterre qui arrive fort. Comme entendu avec ma voilà. Il y a Dayton pour KF Music. T'as capté ou pas? Il y a CJD qui est là. T'as capté? Ah, il a bougé. Et voilà quoi. Il y a Mida, la basse prod, qui est venue nous donner de la force. Et voilà. Grosse dédicace à RAT, tous illicites, le reste de l'équipe. Et bien, merci. Et merci à toi, Fred. Et mardi, ton concert du côté de Lyon. Hein, pas de c'est problème. Ça, mardi 27. Hein, vous me retrouverez tous à Lyon. Merci L.I.M., merci à vous tous. Voilà. La nocturne continue encore pendant quelques minutes. C'est sur Skyrock. Planète Rap. 100% rap français. La nocturne qui continue après cette spéciale avec L.I.M. et Violence Urbaine 4. Voici Monsieur Gradur. Gradur à découvrir dans la nocturne 100% rap français. J'arrive dans le game en treillis et toute la concurrence je la baisse. On n'est pas tout seul, je suis venu avec mon galop, c'est du 93 XO. Tire des balles sur des sites, crache ma haine sur un beat. Moi j'aboie comme un beat et ta gomme suce la bite. Dans le secteur j'habite, si je continue, frère de ce qu'elle me demandera en fuite. Tous tes rappeurs j'ai baisé, y'a mon sperme sur l'enfer. C'est leur dos dans ma caisse et mon son dans leur tête. Le 5-9 est cool, la drogue et les armes aussi vite que dans le 13. Rapper pour moi c'est trop facile. Pète de retour comme des fossiles. Mais le baisse ça casse les couilles. Tous les rappeurs et groupies et putain de lèche qui me fatigue. C'est quoi qui t'intéresse chérie? C'est ma bite ou mon buzz? Mon shit ou ma buzz? J'crois que cette salope elle veut un putain de feat avec ma gueule. Prends des photos avec mes fanas qui feraient que je la prenne dans le vote en bécane. J'ai mis le casque et mon gilet sur mon scoot. Rager bas dans son trou et elle kiffe quand ça rampe. J'en avec des légionnaires et fouteux. Les salopes tu rappelles, je m'en fous d'eux. Des hypocrites qui font trop dans la frite. Te fais pas avoir chérie, ils ont même pas de fric. Mais chez Gay son poil est-ce qu'on trop sang. Lèche que des gros seins, des purs seins. Putain les négros en chame à chaque fois qu'ils vont voir une femme. Y'a mon bob au fond d'écran. Ces bâtards me jalousent, mais faut que j'accélère comme Sergent Yé à Toulouse. Proché des dettes, j'suis la langlaise. Oui, de l'anglais, j'suis meilleur, y'a pas de hasard. Donne-moi succès, j'ramène mes bouquins. On connaît leur passé, rebut, c'est des bouquins. Dans les petits, croyez pas que j'suis un gangster. Mais contrairement à eux, je sais quand il faut se taire. T'es trop maigrichon, même si tu prends de la bleue ou de la coque. J'voulais juste savoir parce que t'es galbé comme un putain de trave à Bangkok. J'touche du bois, j'ai pas connu la prison. Mais si t'insultes maman dans un son, j'prends 10 ans. Moi j'ai pas connu la prison, mais si t'insultes maman dans un son, j'prends 10 ans. Kinda makes me wonder why the hell so many people are trying to tell me to slow down. Seems like motherfuckers should be shutting the hell up and enjoying the show. Hey Drake, j'ai repris ton flow enfoiré. Wim Heidi. Bah ouais Shaggy, on a jamais vécu du rap. Donc si ça marche pas demain, qu'est-ce que ça va changer pour nous enfoiré. Et là, tu médites hein. Hey Rabia, yo. Hey on est ensemble mes chégués. Hey coupe de la ligue c'est bien. On attend le championnat en léger. Hey Ntep, René. On est ensemble chégués. Serge Aurier, je suis avec ton frelon, y'a rien. On est ensemble. Et ouais, une grosse casse-tête au Tcheka, chouette Zer, au nouveau Roubaix. Ils sont toujours là depuis le début. Rap français 100% explicite lyrics. Voilà. N.I.R.O. Miraculé Carlos. La mort Uchichi. Et Rap Misère Uchichi. Street Loser. Roulez. Rien de personnel, c'est que du business. Les couilles plus grosses que la boîte de vitesse. Appelle le 18, appelle le 17. Rappé comme ça c'est vide, j'en m'habite comme j'en m'habite. La drogue a fait des ravages sur nos terres vagues. Nous tu perds à pas sa dette, il nous faut sa dette. Sur une terrasse braque, on le R à pas. Joue pas les gangsters, ça rappe le mec en place. En face t'as des vrais rapaces. Comme les grosses, va pas ton papa. Quand on arrivera, tu nous verras pas. J'ai changé de bus, fils de pute. Tu pourras tous nous mettre sur écoute. Garde la pêche, avale le noyau. Meurs sur le coup. J'tire pas sur eux, j'leur mets des claques. Y'a que pour l'oseille que j'me déplace. Moi j'leur parle de faire du cash. Eux ils m'parlent de faire des clashs. N.I.R.O. K2Z. Tu l'attendais, maintenant tu l'as. Tant t'es musclé, mashallah. Nous on est armé comme le Hasbollah. On veut la beuh, l'argent de la beuh. Nique sa grand-mère à la crémière. Si je te prends la chatte en deux, quelle lève va tomber la première. Oula. Un personnel c'est que du business. Un personnel c'est que du business. Les couilles plus grosses que la boîte de bite. Un personnel c'est que du business. Oula. La main au tchétchou. La main au tchétchou. La main au tchétchou. Un personnel c'est que du business. Les bruits plus grosses que la boîte de vitesse. Lève le troisième doigt pour les juges de prendre et les forces de l'ordre. Si j'ouvre la bouche, ce sera seulement pour vous mordre. Ils ont rien d'autre à foutre, c'est ouf, ils s'ennuient. C'est pas encore le jour de l'an, ils ont déjà la souffle qui s'enlutre. Un arc-en-ciel de billets aux couleurs bariolées. J'arrive pas à allumer ma clope car j'suis en cabriolet. Moi je sais pas faire semblant parce que j'suis un vrai négro. Si je retire mon masque, j'vais m'arracher la peau. T'as la chenille que sous le legging. J'ai les pecs que sous le gilet. Les épaules telles un viking. Et la gaule telle un mulet. Cosette, j'veux des pains dans le jacuzzi. 5,65 dans le magasin du Uzi. Trouve-moi un repère des racailles. Si j'veux boire mon esclair à la paille. La hagla, paye si t'es un logo. Tu nous connais, Michelin, sus, tout pareil. Ce sont des robots, si nous connais. J'serai dans le VIP Sista. Bouteille de siroc fraîche dans le seau. Moi t'étais les gros seins du Cheetah. À la crèche du zoo. Est-ce que Boulot. Un personnel c'est que du business. Un personnel c'est que du business. Les bruits plus grosses que la boîte de vitesse. Un personnel c'est que du business. Boulot. La main au tchétchou. La main au tchétchou. La main au tchétchou. La main au tchétchou. Boulot. Un personnel c'est que du business. On a dépassé trop l'eau, nos équipes ont dépassé trop lourd. Vrai, reconnaissent, vrai, appelle-moi t'es qui, j'te reconnais pas, c'est chelou. On a dépassé trop l'eau, nos équipes ont dépassé trop lourd. Vrai, reconnaissent, vrai, appelle-moi t'es qui, j'te reconnais pas, c'est chelou. Un personnel, c'est que du business. Un personnel, c'est que du business. 7-0. La mort au tchitchi. 4124. Niro et Caris. C'est la nocturne 100% rap français. L'album de Niro arrivera le 9 juin prochain. On l'aura dans Planète Rap. La mort au tchitchi. 100% rap français. Planète Rap. La nocturne. Le son, ça continue avec Volteface solo maintenant dans la nocturne sur Skyrock. Ça, ça vole, ça, ça vole. Il y aura l'entourage après et Giorgio aussi. Ça vole, ça vole. Je vois que ça vole. Tous les jours c'est l'insomnie, je ne dors pas. Si t'as un gun dans le froc, mais que t'as pas les couilles de tirer, ne le sors pas. J'ai quelques femmes et quelques fans. Niveau buzz, c'est pas encore ça. Si je galère, j'ai toujours le num de 2-3 chiennes dans mon portable. Je vis chaque jour comme le dernier, à la recherche de beef pour la ronda. Pour elle, je peux finir enfermé. Je sais qu'il y a que la mort qui m'écorda. Le manque de liquide me désaltère. Un jour la mort te perd qui slame. Je suis discret dans les affaires. Y'a seulement Dieu et le soleil qui me crame. Seul seul dans la merde. Seul quand les cons te maltraitent. Seul dans mon corps, dans ma tête. Seul quand tes potes te la mettent. Seul, toujours seul, je les calcule. Hop, j'ai la tête ailleurs. La vie c'est pas un jeu d'hasard. Sur la vie de ma mère, je connais trop de gratteurs. Mais casse pas les couilles gros, j'ai d'autres choses à faire. La putain de ta sœur. Quand je vise ma proie, je n'arrête pas. Tel un putain de chasseur. Je sors l'étendard, fuck les rumeurs et tout ce qu'on parle. J'arrive dans ce game, je repars en lambeau. J'appelle le 18 pour ton brancard. Yeah. Solo, solo, solo, solo. Fais ce que t'as à faire, au final t'es solo. Solo, solo, solo. Emmerde la terre entière, au final t'es solo. Raid à ton caractère, fuck les gens qui veulent ta paire. Ne lâche jamais tes rêves, même si t'as un genou à terre. Pense au futur, au présent. Ne calcule pas les gens. Ils aiment pas le commercial, ça m'empêchera pas tes gens. J'ai commencé le rap, j'étais sans père. Les gens me disaient, t'ira nulle part. Aujourd'hui je perds, c'est qu'une grosse merde. La vie de ma mère, je me tape une barre. Je vous qui cache un calme mes freestyles. Je me déplace plus pour m'en balle. Je retourne leur go pendant qu'ils fraillent ce soir. Je peux ken, je me ravitaille. Ils veulent tous me voir chuter. Ils veulent tous me voir lutter. Avec leur flow à 10 balles, j'ai vraiment pas de mal à les buter. Sans instrument, ils peuvent flûter. Jamais je ne patine. Si je fais l'amour à ton CD vierge, riche ta couche en 10 de platine. Parle pas, laisse les jacter. Parle pas, laisse les jacter. Toutes leurs rimes sont téléphonées. Ma gueule, je sais pas si t'as capté. Je peux michetonner une michto. Je suis pisté par la lispo. Pétasse, tu veux toujours ma queue. Elle n'est toujours pas dispo. Pourquoi tu joues les 6 gros? Viens me voir, j'ai le flow qu'il te faut. Pleure pas si t'es en mitard. Si l'argent tu l'as pris tôt. Je m'en bats les couilles de qui me cause. Je suis de retour, je retourne au combat. Ne cherche pas qui sont les vrais. Recherche plutôt ceux qui le sont pas. Solo. Solo. Solo. Fais ce que t'as à faire, au final t'es solo. Solo. Solo. Emmerde la terre entière, au final t'es solo. Raid à ton caractère, fuck les gens qui veulent ta paire. Ne lâche jamais tes rêves, même si t'as un genou à terre. Pense au futur, au présent. Ne calcule pas les gens. Ils aiment pas le commercial, ça m'empêchera pas tes gens. Passe à vol, ils sont pas prêts. Si t'es choqué, c'est normal. J'ai rien fait encore. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Tu veux me comprendre, ma man? Je suis pas ton flouze, mais ta parole, que tu vas pas mettre des carottes. Même si c'est rare qu'on s'appelle, viens, on fait ce qui se passe. Rempli de traves et de zombies, enlève ton masque, mets-moi dans les yeux, pas de tromperie. Et yo, qu'est-ce qui se passe? T'es plus qu'une coquille vide. Tes nouveaux potes ont pompé l'âme, puis ton bif. Y'a que les vrais qui savent, qui se trappent derrière tous nos pics. Tu te reconnais, poteau. Fais pas ton bourré, assume tes propos, menteur. Dès qu'une poupée entre les mains de Gepetto. Les traites sont de vraies balances. Wesh, mais t'es peu de la bande. Ouais. Faut qu'on te saigne avant que tu mènes la danse. L'ami est éphémère, y'en a qui parlent derrière ton dos. Y'en a même qui pèsent et prennent ton cash. Belle avec mon sauce. Soldat de merde, c'est quoi ce délire de fer? Le sauce est folle et dans les mêmes dièses, oser se dire de frère. Tous hypocrites, les gens hypnotisent. Leur masque cache leur émotion et ce qui se trouve vif. Y'en a qui servent du charme et te font croire à des rêves. Et on a qui cache des choses. Et ouais, pour pas te faire mal. Trop d'acteurs, de squatteurs, de bâtards, de cratères, de bif. Faut des valeurs, le malheur t'arrache la peur de vie. On avance dans le rap avec méfiance, car trop sont tricards. Un masque depuis la naissance, vaut mieux rêver d'une hitstar. Les gens sont tous les mêmes, bébé ne danse plus. Moi c'est la trance que j'aime, qui me maintient en stu. On avance dans le rap avec méfiance, car trop sont tricards. Un masque depuis la naissance, vaut mieux rêver d'une hitstar. Les gens sont tous les mêmes, bébé ne danse plus. Moi c'est la trance que j'aime, qui me maintient en stu. Ils vont boire la tasse, car il faudra nager. Pour percer ma carapace, j'arrive au bal masqué, armé de mes paragraphes. La gare part à la base, qui fait pas la bagarre, mais t'as pas le choix. À Panam, t'as la passe, si t'es pas à la page, rien à foutre. J'marche à visage découvert et j'me ferai ta fille pendant que ta femme videra mes poubelles. T'as dit voir une explosion, mais c'était qu'une flamme. Toi, ton masque de fer, tu te l'es fait greffer sur le crâne. Ça fait partie du décor comme du rouge à lèvres sur une bouche pulpeuse. Et si un jour j'pulbeuse, j'habitue mes proches, car la canicule est. Proche,

est pleine et le drame se sent. Si l'un d'entre vous fait le zoulou, j'ai le goût mais je vais boire son sang. Nous ne sommes pas conformes aux normes de votre rap actuel. Des boucles de Baltimore, du genre à Van Barksdale. C'est de la peufra qu'on crapie, du Jada style, puis prends la fuite dès que t'entendras What Nabi. Devant vos corps sans vie, le mic brandit. Portons la surface et je me régale du bass splendide. Danny Da Vinci, Danny the Dog. À 16 ans je me faisais appeler Danny Mac, tout un symbole. Plus tard je me suis autoproclamé le pape de Boulogne. En toute modestie, même quand je quitte tes rap de surhomme. Je suis parano, je me méfie des traîtres. Chaque César a son Brutus, chaque Jésus a son Judas. Un traître qui a pas plus rat. Et je ne suis ni un empereur, ni un messie. Juste même si vexent les soucis qui disparaissent quand je suis. C'est sur le projet en commun, Olkari, Danny Dan dans la nocturne 100% rap français. Avec Espy tout de suite en featuring Youssoupha et Sam's. 100% rap français. C'est le remix de Roue Libre qu'on va écouter maintenant. Nicki Minaj dans un jean ou la chatte à Giro. Même si t'es mort dans le film, fuck le hero. Ce monde de la rime hostile, des larmes dans mon stylo. Le buzz est si gros, t'as un 6 gros. Attention où t'atterris, oh, où t'as des héros. Sur l'album, bruit d'impatience, j'suis un pyro. Street corner, me parle en pleine tête, appelle-moi Pirlo. En roue libre, on s'en bat les couilles. Dans ce pays, j'attends de sortir la douille. Salam alaikum, check la concurrence, noyé. Team c'est beau, maillé. Vos mères sont rodaves comme un scout chez Julie Gaë. Rapo pom pom, a dit une grosse tasse. Commande, chicha mango, tire une grosse taf. J'suis trop porté sur la maille, gros. J'suis un rat de maille, gros. Rappelle tant que marée, j'ai des mailles, j'me suis barré, gros. Fini, fini, fini les. Yama. Sam, fini, fini, fini les. Yama. Ils ont plus rien à dire, eux le passé, nous l'avenir. Aucun disque d'or ne sert de pare-balles quand ça tire. J'suis enroulé, j'suis enroulé, j'suis enroulé, j'suis enroulé. Tu peux m'arrêter trop tard, j'suis enroulé. J'espère être gentleman dans ma roulée. Couchez-vous à terre, hein, j'suis beaucoup trop déterre. Quand j'pars enroulé, j'pars enroulé, j'pars enroulé, roulé, roulé. J'suis enroulé, j'suis enroulé, j'suis enroulé, roulé, roulé. J'suis enroulé, j'suis enroulé, j'suis enroulé, roulé, roulé. J'suis enroulé, j'suis enroulé, j'suis enroulé, roulé, roulé. J'estime, on le fait nous-mêmes. Tetris, nouveau phénomène. Yokan, Nego Yoka, moi Namboka, Ice criminel. Les punchlines sont inhumaines. Denja, strange, j'ai laissé pousser les tresses. Ils me prennent pour Tikenja. Tu sais déjà, on fait face au game. Lunettes noires, peu bavard, te regarde pas quand je te parle comme Horatio Kane. Je rêve de bling bling à la Benoît XVI. La mort entoure mon vécu, donc j'ai le cul entre deux paires la chaise. Qui peut nous tester, nous? Eux, ils étaient au fond du gouffre quand nous on retournait les foules pendant le geste tour. Et ils rappent tous pareil, leur flow est copycat. Et j'pète tellement d'MC que mon album sera un coming out. Pas de comic rap, viens pas nous mettre en doute. Mon label survivra, j'ai perdu quelques traîtres en route. Coûte que coûte jusqu'à l'avènement. Et s'ils te demandent, ça sort quand négritude, dis-leur c'est pas maintenant. Prime, fini, fini, fini les. Prime, fini, fini, fini les. Ils ont plus rien à dire, eux le passé, nous l'avenir. Aucun disque d'or ne sert de pare-balles quand ça tire. J'suis enroulé, j'suis enroulé, j'suis enroulé. Tu peux m'arrêter trop tard. C'est le remix, pour la peine je revise. Prenez tous vos flogis, on arrive lourd, on va pas le redire. Arrêtez vos chevilles, moi dans le mouvement on m'appelle Crimi. On les a montés en l'air, ils ont vu que le ciel n'était pas la limite. Ratatata, blague à part, j'ai le coup que ta part. Je viens, je me sers, je prends ta part, je me tire à Kin ou à Dakar. Je veux le bif du Qatar, le game se contente de 4 quarts. Trop débat, mais trop d'écart, je lâche une punch, trop d'éclat. Ça c'est juste la première fournée, la tôle, je veux pas y retourner. Je paye ma foison de la première journée. Les médisants, langue de pute, on les a pas zappés. Sors d'un Boeing ou d'un tourbus, toi tu repars à pied. Yeah, mon ma B, Kinshasa boss. Toc toc, v'là ma geste, team qui kick à ta porte. C'est pas du rap de pucelle de moins de 20 ans. Tu sors quand, JNG? Bitch, on t'a dit c'est pas maintenant. Fini, fini, fini, l'air. Nya, nya. Ice, fini, fini, fini, l'air. Nya. Ils n'ont plus rien à dire, eux le passé, nous l'avenir. Aucun disque d'or ne sert de barbale quand ça tire. J'suis enroulé, j'suis enroulé, j'suis enroulé. Tu peux m'arrêter trop tard, j'suis enroulé, j'suis enroulé. Chester et John Zeman dans ma roulée. Couchez-vous à terre, hein, j'suis beaucoup trop désert. Quand j'pars enroulé, j'pars enroulé, j'pars enroulé, roulé, roulé. J'suis enroulé, j'suis enroulé, j'suis enroulé, roulé, roulé. J'suis enroulé, j'suis enroulé, j'suis enroulé, roulé, roulé. J'suis enroulé, j'suis enroulé, j'suis enroulé, roulé, roulé. Planète rap, 100% rap franche. Le cœur noirci peut-être à cause d'une lesbite. J'approche de la trentaine, faut que je passe l'oseille vite. J'ai l'impression que je suis en train de tomber dans le vide. Et j'ai des envies de tout vouloir, de tout vouloir, de tout vouloir toute vie. Je suis dans un trou noir, un trou noir, un trou noir. Ma vie, j'ai envie de tout vouloir, de tout vouloir, de tout vouloir toute vie. Je suis dans un trou noir, et un trou noir, ouais, un trou noir. Ma vie, je viens de New York, Paname, ça tic sec. De quoi faire flipper pip 7. Je verrai depuis que j'ai 17. Appelle-moi prototype 7. Faut qu'on s'éloigne de la prise ray. Quand tout ça, ça a l'air fixe net. Je côtoie des dealers fixe. Mec, je saoule le soir les flics, mec. Coupe dans sa patate dure, la dope en tôle de catapulte. T'en parles de produits à ta pute, on a atteint la taille adulte. Y'a pas d'héros, très peu d'euros, du coup t'es pas le fleuve. À la rentrée, on avait pas toujours une paire de Nike, mais nique l'argent et l'or, on veut l'argent et l'or. Les pifons, on a poussé sans qu'un père nous appelle fliston. Si t'es pas prêt, négro reste sur le pas côté en presse. Cesse de radoter, respecte les cas côtés. Du crack des armes, en cas de lézard, une balle d'humeur, ouais. C'est Paris Est, un poste en blanc de Baltimore, ouais. Soldat parisien du côté Issac. Fuck une nègre, me demande pas où est mon esprit. Le cœur noirci peut-être à cause d'une lesbite. J'approche de la trentaine, faut que je passe l'oseille vite. J'ai l'impression que je suis en train de tomber dans le vide. Et j'ai des envies de tout vouloir, de tout vouloir, de tout vouloir toute vie. Je suis dans un trou noir, un trou noir, un trou noir. Ma vie, j'ai envie de tout vouloir, de tout vouloir, de tout vouloir toute vie. Je suis dans un trou noir, un trou noir, ma vie. Je plonge dans ma réalité, absence de thune d'humanité. Précarité, vulgarité, longtemps qu'on met plus de marité. Le sosma est de qualité, les types demandent calibré. Très peu d'entre eux sont qualifiés, les trois quarts peut-être même calibrés. Pas de situation clarifiée, chez moi y'a pas d'égalité. J'ai tout rêveur de carité, de plus l'amour est arrivé. Les passages dans la cavité, les hommes défient la gravité. Les femmes demandent la parité, les schlacks demandent la charité. Hein? Fais ma paf, man, d'être starifié. On a fourgué des scènes et fait du sale. Pas venu en France pour être oscarisé. Depuis que le jour de gloire est arrivé, l'Afrique a l'impôt scarifié. Le site pas en pied ou en plaquette. Sans ta daronne compte ses pièces pour assembler le prix d'une baguette. Constate les parts en scène des chansons, n'a pas 47. Vu que ta carate est 47, ça shoot dans la gamme 47. Mon esprit, le cœur noirci peut-être à cause d'une lesbite. J'approche de la trentaine, faut que je passe l'oseille vite. J'ai l'impression que je suis en train de tomber dans le vide. Et j'ai des envies de tout vouloir, de tout vouloir, de tout vouloir toute vie. Je suis dans un trou noir, un trou noir, un trou noir. Ma vie, j'ai envie de tout vouloir, de tout vouloir, de tout vouloir toute vie. Je suis dans un trou noir, un trou noir, un trou noir. Ma vie, pas où est mon esprit. Le cœur noirci peut-être à cause du lesbi. J'approche de la trentaine, faut que je fasse l'oseille vite. J'ai l'impression que je suis en train de tomber dans le vide. Et j'ai des envies de tout vouloir, de tout vouloir, de tout vouloir tout de suite. Je suis dans un trou noir, ma vie j'ai envie de tout vouloir, de tout vouloir, de tout vouloir tout de suite. Je suis dans un trou noir, ma vie. 100% rap français, planète. La nocturne. Esclave de l'oseille, oh, esclave du riba. Si je veux m'affranchir du diable, faut que je déménage de riba. Des petits boules font la nouba sur nos sons de tambour. C'est le hip-hop bamboula, les patrons sont des rocancours. Les MC adhèrent au concours de celui qui sera le plus négro. Sauf que les critères du négro sont pas décidés par le négro. Concours de grosses queues, concours de gros boules, concours de qui dit mieux que... Concours de genoux, demande au mec dans la mine au kibou s'il rêve d'une Mercedes. Coltant dans le portable sur lequel j'écris ce texte. Dang, je suis coupable de l'acheter, de l'avoir acheté. Chaque fois que j'allume une lampe, arrive va me vendre la viande hachée. Je suis pas métis, je suis tacheté. Je me suis un peu racheté, c'est pas, je m'étais vendu, mais perdu, c'est pareil en temps de guerre. MC, félin, racé, classé, DISISER, entre Grigny et Corbeil, 9-1, Evry, Isère. J'aimerais me faire greffer les coronettes de Manuel Calafate. Au mur aligné, mes démons tous les sulfates. J'aimerais me faire greffer les couilles de zombies dans ce palmarès. Mais pour l'instant, j'ai que des disques d'or dans mon petit palmarès. Ah. Diamond, diamond, D-I-S-I-Z, Youss, nos rimes sont fécondes. On tombe comme des flocons noirs sur des pages blanches. Si c'est pas comme Moïse, je montrerai jamais patte blanche. Renoir, gros pif, bien sûr, les grosses lèvres. On est meurtris, c'est ce qui a créé une grosse peine. Ici même, et tu esclave ou maître. Y'a que des chaînes, on y couronne sur la tête. Ce n'est pas nos buts de la victimisation. Simplement 5 minutes que nous célébrons. Ce n'est pas non plus une forme d'abandon. Simplement 5 minutes que nous célébrons. C'est le bruit que faisait nos dos. Il est laissé en morceaux. J'en ai écrit des morceaux. Négro, range, essuie, mange, Toby, danse. En 5 minutes, je pourrais rapper, craquer, braquer, être condamné par le parquet. Car j'ai la peau noire comme Baffé. Et tous les blacks au procès bâclé. On est élevé, on m'a fait impeccable. Laissé, nos parents ne connaissaient pas l'alphabet. Triple A, triple K, connaît pas, y'a quoi délaisser. Je vais contre attaque. Quel contre attaque. Je ne sais pas si je finirai habitant des cieux. En paradis et enfer, car j'aurai des amis dans les deux. Rabâché qu'on est des rois, non merci, même si c'est ce qu'ils veulent. Ce serait comme faire un selfie avec un désert eagle. Ok, venu d'Afrique, qu'on est hasard en Europe. Je marche toujours un doigt en l'air, car la chance sourit à ceux qui la provoquent. Je n'oublie pas mon histoire ou qui quoi. J'écris mes textes direct sur le dos de Lupita. 5 minutes, ouais, 5 minutes, slave. Maison disque et esclavage moderne. Aujourd'hui je reste maître. Je n'attends pas qu'un imposteur nous guide. Ceux qui te regardent haut sont souvent ceux qui ont le plus peur du vide. Oh. Africain aussi c'est mon cadre de ville. Ils ont pillé nos villes, mon appel, mon équipe. On est compétitif, on fait rimer les crimes que les colons maquillent. C'est écrit dans les livres, ils nous voient comme des pitchs. Soit tu finis Bounty, soit t'es Eddie Murphy. Tu sais rien d'inédit, j'ai de la peine mais je kiffe. Je suis incorruptible, je ne suis pas ton pire. Ce n'est pas non plus de la victimisation. Simplement 5 minutes que nous célébrons. Ce n'est pas non plus une forme d'abandon. Simplement 5 minutes que nous célébrons, célébrons. Mon feu est dilettant, pas le temps de me pendre en attendant la tendance. Je rappe en débitant tout le temps, militant en étant indépendant. La prod est haletante, elle me tente, élégante, elle est tendre, elle est bandante. Je suis pas là pour le prendre, le temps, ça me tente, c'est le temps de ma vengeance. C'est le retour de Kunta Kinte contre les poupards. Je viens d'éviter tout feu, tout flamme, mon vrai prénom c'est Youssoufa. Et je garde mon vrai plat car avec lui, je me sens trop libre. Et je voulais pas que les colons d'ici finissent par m'appeler Toby. Et la peur est plus solide que l'amour en nature humaine. À choisir, je préfère encore qu'on me craigne plutôt que l'on m'aime. Oh, déraciné dans mon terre-terre, je n'ai pas le moral, celle-ci. C'est pour les frères et sœurs de terre-mère et de diaspora. Mauritanie, Soudan, Mali, Congo, Brazza, Niger, Ghana, Bénin, Rwanda, Guinée, Guada, Gabon, Togo, Gambie, Congo, Sénégal, Nigeria, Kingston, Burkina, Kenya, Somalie, Tchad, Madagascar, Madinina, Liberia. Tous nègres fiers jusqu'à la mort. loin des coups de gueule. J'ai pas besoin qu'on me commémore, je me commémore tout seul. Esclave ou maître, qui es-tu? Je ne sais pas vraiment, j'y répondrai peut-être dans négritude, mais bon, c'est pas maintenant. Moi, gros pif, bien sûr, et gros flèves, on est meurtris. Tiers-monde, DC's et Youssoupha sur l'album, le projet plutôt de Tiers-monde, qui est dans les bacs. Imagine pas une vie de flèves, ce n'est pas non plus de la victimisation. Simplement, 5 minutes que nous célébrons. Ce n'est pas non plus une forme d'abandon, simplement 5 minutes que nous célébrons, célébrons. Ce n'est pas non plus de la victimisation, mon enfant là, le tiers. Imagine pas une vie de flèves. Toby or not Toby. Imagine pas une vie de flèves. Planète rap, 100% rap français. M'attends pas, j'irai pas dans les bacs. Pas le temps gars, j'ai pas vu mon bac. Sûr de moi, de surcroît. Sans pinceau, j'déchire la toile. J'quatte sur le net, net, net, net. J'vais te la mettre, mettre, mettre, mettre. Choqué, ok, ça y est, tu veux me fumer comme ton chef, chef, chef. J'écoute les doutes de mon hip hop. J'ai beau faire le beau dans ton hip hop. J'suis pas Rick Ross, moi j'suis Rick Rack. J'attends le chèque caché dans un big rack. Attends, check, là j'te fais du bon rap. Va t'en faire, va chercher un bon tap. C'est ce que me dit la voix. Caché dans une partie sombre au fond de moi. Négro, rien à voir, rien à boire, rien à croire. Ton talent, on s'en fout. Manda Macdoum et Macroire. J'ai shooté les MC, shooté les mecs qui, même si, shooté la même vie. On est tous addicts, mais pas sur la même île. On est tous addicts, mais pas dans la même team. Ces négros me tendent la main, mais ils me prennent la tête. Ces négros me prennent de haut, mais ne font pas l'affaire. Pas la paire, valent pas la peine. Ils sont à la traîne. Manque à la peine. On nous tient, c'est pas dans ma sphère. Mec, t'auras beau nous tient, c'est pas dans ma sphère. Ils veulent nous souder, faire douter, mais ne sont pas dans ma sphère. T'auras beau nous tient, c'est pas dans ma sphère. Mec, t'auras beau nous tient, c'est pas dans ma sphère. Ils veulent nous souder, faire douter, mais ne sont pas dans ma sphère. Ma sphère à moi est plutôt carrée. Demande à Hamzo, j'suis grave paré. Une putain de machine, j'dors jamais. Compare même pas, mec, t'es pas prêt. K.O.L.O.K. en balle. Tout se joue dans le mental. Prends ta clique et remballe. Rien que tu conspires, mec, t'es tout pâle. On n'a pas le même style, pas le même maillot, pas les mêmes bros, pas les mêmes drapeaux, pas les mêmes sapes, pas les mêmes frappes, pas le même bac, pas le même taf, on met pas vraiment les mêmes claques. Viens, je t'explique, faux bâtard, je les rends dyslexiques, je suis tout sauf bavard. Tu veux rapper, mais t'es pas dans les temps. Tu veux faire des clips, mais tu passes mal à l'écran. T'as des punchlines, c'est cool. Sur le banc de touche, puis me boule. Tu rages, tu cliques et t'écoutes. T'es pas dans notre sphère, franchement, tu me dégoûtes. Je viens de nulle part, je suis un putain de bâtard. J'ai le cul entre deux chaises avec la tête dans les cafards. Presque imbattable, c'est le bordel dans mon placard. Je kiffe comme une mitraille, faudra un test avant de m'abattre. Ces négros me tendent la main, mais ils me prennent la tête. Ces négros me prennent de haut, mais ne font pas l'affaire. Pas la paire, valent pas la peine. Ils sont à la traîne, manque à la peine. T'auras beau nous tient, c'est pas dans ma sphère. Mec, t'auras beau nous tient, c'est pas dans ma sphère. Ils veulent nous souder, faire douter, mais ils ne sont pas dans ma sphère. T'auras beau nous tient, c'est pas dans ma sphère. Mec, t'auras beau nous tient, c'est pas dans ma sphère. Ils veulent nous souder, faire douter, mais ils ne sont pas dans ma sphère. La coloc SOA, ça devrait faire l'affaire. Ta sphère pour l'avoir, tu devrais te la faire. Tu as perdu la tête, tu as peur de la fête. Tu as une paire de blazers, on devrait faire la paire. P.S.O.A, je veux gouverner. On essaie de ses pairs, sans blague et d'équerre. Il m'impose des gales, ça ne m'attinguer. C'est la coloc avec le squat. Toc toc, c'est WAM, c'est WAT, WAT. Moi, te sont vos potes, potes. Faut que tout vos packs à force. Tu vas avoir des marques après. Tu vas porter ma marque. Est-ce que tu me kiffes dans une boîte suisse, insérée dans une marque? Rentrer sain dans ma sphère, autant t'es fait. Je pensais pas qu'une sphère métissée pouvait te faire tant d'effets. Je passe, je ne m'arrête pas. Je rappe, ils arrêtent ça. J'en ai marre de ça. Je n'entends que ça. De là qui style, que je signe mon bail tout simplement parce que ces négros me tendent la main, mais ils me prennent la tête. Ces négros me prennent de haut, mais ne font pas l'affaire. Pas la paire, valent pas la peine. Ils sont à la traîne. T'auras beau nous tient, c'est pas dans ma sphère. Mec, t'auras beau nous tient, c'est pas dans ma sphère. Ils veulent nous souder, faire douter, mais ils ne sont pas dans ma sphère. T'auras beau nous tient, c'est pas dans ma sphère. Mec, t'auras beau nous tient, c'est pas dans ma sphère. Ils veulent nous souder, faire douter, mais ils ne sont pas dans ma sphère. C'est fini pour la nocturne 100% rap français avec la coloc à l'instant et Pessoa dans la nocturne sur Skyrock. Passez une bonne nuit. Prochaine nocturne dans une semaine. Loupez pas aussi lundi et vendredi, enfin du lundi au vendredi entre 20h et 21h sur Skyrock. Ce sera le Planète Rap consacré à l'entourage. À pas louper l'entourage qui débarque dès lundi dans Planète Rap. Et prochaine nocturne dans une semaine avec Giorgio. Ciao. Skyrock. Non-stop. Skyrock. Skyrock. Premier sur le rap.